25 mars, vers midi, le roi Faisal était assassiné par un de ses neveux. Cette nouvelle a plongé le pays dans la consternation et l'inquiétude. Le meurtrier, âgé de 24 ans, était rentré récemment des États-Unis où il venait de terminer ses études universitaires. Il était connu pour ses idées farouchement pro-palestiniennes et l'on sait qu'il reprochait à son oncle son attitude trop modérée. Était-ce le mobile de son crime ? Personne ne peut sérieusement répondre aujourd'hui. En Occident, la politique de Faisal était considérée comme un facteur de modération dans la poudrière du Moyen-Orient. À l'intérieur, il avait su assurer l'équilibre entre les provinces les plus importantes et les tribus les plus influentes. Son habileté politique lui avait permis de jouer les unes contre les autres les tendances progressistes et les forces les plus réactionnaires. Finalement, en fin tacticien, il a permis à son peuple de sauter du Moyen-Âge à la deuxième moitié du XXe siècle en préservant la monarchie absolue. Le jour de l'enterrement, dans le principal parc public de Riyad, des tentes ont été dressées pour recevoir les délégations étrangères. Les principaux chefs des États arabes sont venus saluer la dépouille de celui qui a été depuis la mort de Nasser, l'un des principaux leaders du monde arabe. Anwar el-Sadat a été le premier chef d'État à atterrir à Riyad. Depuis 1972, le rapprochement de l'Égypte et de l'Arabie saoudite a profondément modifié l'échiquier du Moyen-Orient. C'est Faisal qui a poussé Sadat à renvoyer les conseillers militaires soviétiques. En contrepartie, l'Arabie saoudite a payé de nombreuses factures d'armement pour l'Égypte. Autre leader du monde arabe, Wari Boumediene. On sait que les liens entre le président algérien et le roi Faisal se sont particulièrement affermis depuis la guerre d'octobre. De Bourguiba à Juan Carlos, ces funérailles ont réuni des représentants de la plupart des États qui entretiennent des relations avec l'Arabie saoudite. L'arrivée simultanée du président Assad de Syrie et du roi Hussein n'est pas passée inaperçue. Le président Assad n'a pas oublié que s'il a pu renouveler et augmenter le potentiel militaire de son armée, c'est grâce aux subsides de l'Arabie saoudite. Yasser Arafat, qui avait rencontré Faisal quelques heures avant sa mort, paraissait très affligé. Rappelons que l'OLP, l'Organisation de Libération de la Palestine, était principalement financée par Faisal. L'Afrique noire musulmane était aussi présente aux funérailles en la personne du président soudanais Numéri et du très célèbre chef d'État ougandais Idi Amin Dada. Plusieurs délégations ne sont pas parvenues à temps pour les funérailles. C'est le cas de la délégation des États-Unis dirigée par Nelson Rockefeller. Le nouveau roi, Khaled Ben Abdulaziz, conduit la marche mortuaire. Les obsèques du roi Faisal se sont déroulées avec beaucoup de simplicité, dans un silence empreint d'un très grand respect pour celui qui était à la fois un chef spirituel et un chef d'État. Le corps du roi défunt était simplement enveloppé dans un de ces abayas de laine brune que le roi aimait à porter. Accouru en toute hâte des autres villes du royaume et même des oasis les plus éloignées, les Saoudiens sont venus en masse rendre un ultime hommage à leur roi. On a estimé à plus d'un million le nombre de personnes qui ont suivi les obsèques. For all Saudis, I think King Faisal was more than a king. Le roi Faisal était plus qu'un simple monarque. Il était le père de tous les Saoudiens. Pour moi, qui suis un membre de la nouvelle génération, il était même plus que monarque et père. Il était pour nous un exemple stimulant de sagesse, de foi et de courage. C'était un homme qui nous a prouvé, à nous comme aux autres, qu'il est possible d'accomplir de grandes choses en un laps de temps limité. Au cours de ses 11 années de règne, il a réalisé une œuvre dont l'édification aurait normalement pris des générations. Il faisait confiance aux jeunes intellectuels. L'instruction pour tous, telle était l'une de ses grandes préoccupations, ainsi que la formation des jeunes Saoudiens pour leur apprendre à utiliser les moyens modernes leur permettant de développer l'Arabie Saoudite. Comme vous pourrez le constater, bien des postes de responsabilité sont occupés dans notre pays par des jeunes. Le roi Faisal faisait confiance à la jeunesse et lui montrait qu'elle pouvait faire beaucoup pour le pays. Il nous a appris à rendre service à nos frères infortunés, à œuvrer en faveur de l'épanouissement de notre pays. Il était aussi le leader du monde arabe. Oui, certes, le leader de tous les Arabes. Il voulait unir non seulement son propre peuple, mais encore les Arabes de tous les pays, tous les musulmans, tous les croyants. C'était un homme qui avait une foi inébranlable en Dieu, en son pays, en son peuple, et en tous ceux qui croient en Dieu, ceux-là même qu'il voulait unir. C'était un homme de paix, un sage. Il vivra dans nos mémoires non seulement pour ce qu'il a accompli lui-même, mais encore pour tout ce qui sera fait grâce à l'œuvre qu'il a réalisée. Lors de la cérémonie d'intronisation du nouveau roi, des milliers de Saoudiens ont l'espoir de voir et de toucher celui qui va désormais incarner le destin du pays. Au palais du gouverneur, que les dignitaires du régime sont venus saluer le nouveau monarque. Selon la tradition, le peuple sait que lui aussi pourra pénétrer dans le palais. Pour les accueillir tous, le nouveau roi devra poursuivre la cérémonie le lendemain. À l'intérieur du palais, outre la présence des représentants de la famille royale et des patriarches des plus importantes familles de commerçants du pays, on remarque les chefs de tribus de toutes les régions de l'Arabie. On rencontre même dans cette assemblée d'anciens guerriers qui ont combattu aux côtés d'Ibn Seoud, le père de Faisal, lors de la création du royaume. Et le nouveau roi, Khaled Abdulaziz, intronisé en toute simplicité, reçoit dans la bousculade les chefs de tribu qui viennent faire acte d'allégeance. Thank you. et secondé par son frère, la tête recouverte d'un keffieh à carreaux rouge et blanc. Il s'agit du prince héritier, Fahd Ben Abdulaziz, l'homme fort du nouveau régime. Tous les moyens d'information du pays ont réservé dans leurs notes biographiques autant de place au prince héritier qu'au nouveau roi. C'est pourquoi l'on a parlé d'un royaume désormais bicéphale. Le nouveau roi et le prince héritier quittent le palais du gouverneur pour se rendre au palais royal où ils doivent recevoir les condoléances des délégations étrangères. Troisième producteur de pétrole du monde, derrière les États-Unis et l'Union soviétique, l'Arabie saoudite est le premier exportateur d'or noir. L'année dernière, elle a enregistré des revenus s'élevant à 29 milliards de dollars. Et les 4/5 du pétrole saoudien passent par cette salle de distribution pour être stockés puis chargés sur tankers. L'Arabie saoudite détient encore un autre record, celui des plus grandes réserves de pétrole du monde, soit un quart des réserves de la planète. Cela représente une richesse fabuleuse pour ce royaume. لقد مات فيصل بن عبد العزيز رحمه الله. وعندما استرجعت صفحات التاريخ القريب وبعد حرب رمضان سمعت للرجل أمنية كان يتمنى أن ينالها قبل أن يموت. انتقلت إلى لندن وكان هناك رئيسة وزراء إسرائيل المرأة العجوز مائير. وانتقلت إلى مدينة الرياض وكان بها فيصل بن عبد العزيز عليه سحائب الرحمة. وأدلت مائير بتصريح وأدلى فيصل بتصريح. أما تصريح مائير فقد قالت في عاصمة انجلترا: لن نتنازل عن مدينة القدس مهما كانت الأحوال. وقد يكون من الجائز أن نتنازل عن تل أبيب، ولكن من غير الجائز أن نتنازل عن مدينة القدس. وهنا التقى فيصل بن عبد العزيز بسفير الولايات المتحدة الأمريكية في الرياض. وكان من فضل الله على ذلك الرجل انه كلما التقى بسفير اجنبي يخاطبه بلغته لم يكن يحتاج الى ترجمان بينه وبين من يحدثه. اذا التقى بسفير فرنسا تكلم الفرنسية، وبانجلترا يتكلم الانجليزية، وبالالمان يتكلم الالمانية. ولكنه عندما التقى بوزير خارجية امريكا تعمد ان يتكلم العربية ليشعره بعزة العروبة والاسلام. قال الرجل لسفير امريكا: انني رجل عجوز كبير السن، واتمنى ان اصلي في المسجد الاقصى قبل ان القى الله. كانت هذه امنيته. هذه الكلمة دخلت معامل التحليل في امريكا، ودخلت وزارة البنتاغون، ودخلت في تحاليل صهيونية بعيدة المدى، ولقي الرجل جزاءه على هذه. كان الرجل قبل أن يلقى الله يتمنى أن يصلي في المسجد الأقصى، ولكن كان الطريق بين الأمنية وبين المسجد الأقصى بعيد المدى طويلا. إن الرصاصات الآتمة التي استقرت في رأس فيصل بن عبد العزيز رصاصات وراءها ما وراءها، وراءها قابورا طويل من الصراع الذي يدور بين الإسلام وبين قوى الأرض. وبعد ذلك قالت جلد ماهير في لندن: من الجائز أن نتنازل عن سن أبيب، ولكن ليس من الجائز أن نتنازل عن مدينة القدس. وقال فيصل بن عبد العزيز وهو الآن تحت أطباق التراب أثر رصاصات غادرة، قال: أتمنى أن أصلي في المسجد الأقصى قبل أن ألقى الوعد آخر. هكذا قالت زعيمة الصهاينة في لندن، وهكذا قال فيصل بن عبد العزيز في أرض الرياض. فقامت الدنيا وقعدت لأن مدينة القدس عليها نزاع. ترق وقام الغرب، ومن قبل كانوا يهددون باستعمال السلاح للاستيلاء على منابع البترول، لأن فيصلا كان يستطيع بعزة الله أن يجعل